Ceci est un avis très faible, car lorsque le Messie Isa ibn Maryam envoya trois apôtres à Antakya, elle fut la première ville à croire en lui à cette époque. Cette ville n'a donc pas été anéantie, alors que les habitants de la ville cités dans le Coran ont tous péri. Comme le mentionne Allah tabaraka wa ta'ala, après avoir cité qu'ils tuèrent l'homme qui crut au messager, ce ne fut qu'un seul cri et les voilà éteints. Fin de citation. Nombre de commentateurs du Coran soulignent que ces trois messagers furent des apôtres de Isa ibn Maryam. Or, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, réfute ceci et dit: mais rien n'empêche que les trois messagers cités dans le Coran aient été envoyés vers les premiers habitants de Antakya, qu'ils traitèrent les messagers de menteurs, qu'Allah les fit périr et qu'ensuite cette ville soit de nouveau peuplée. Ainsi, à l'époque du Messie, Isa ibn Maryam, ils ont cru en lui. Cela n'est pas impossible. Et Allah est plus savant. Quant au fait de dire que le récit mentionné dans le Coran évoque les compagnons du Messie, cela est faux, en raison de ce que nous venons d'expliquer et du fait que le texte coranique montre clairement que ce sont des messagers envoyés par Allah. Fin de citation. Je voudrais vous rappeler une chose importante qui, comme je l'avais cité en préface de cette série de cours sur les prophètes, reste avant tout notre ligne de conduite. L'imam Sa'd, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, dit concernant ces versets du peuple de Yassin. Je cite: quant au fait de spécifier quelle fut cette ville, s'il y avait un quelconque intérêt à la spécifier, Allah l'aurait sûrement fait. S'affairer à cela, ou à ce qui est similaire, revient à se rendre la tâche difficile inutilement et à parler sans science. C'est pour cette raison que lorsqu'une personne agit de la sorte, tu trouveras chez lui trouble, confusion et désaccord desquels aucun avis stable ne persiste. Ce qui est connu est que la voie authentique de la science consiste à se baser sur les réalités et les choses avérées et de délaisser ce qui ne présente aucun intérêt à être cité. Par ceci, l'âme se purifie et la science augmente, alors que dans le même temps, l'ignorant pense que cette science augmente en citant tous les avis basés sur aucune preuve et qui au final ne ramène aucun intérêt si ce n'est des doutes à l'esprit de cette personne et le fait qu'il s'habituera à des informations douteuses. Fin de citation. Cela ne signifie pas que le travail des historiens et certains commentateurs du Coran, lorsqu'ils rapportent des détails non cités dans les textes du Coran et de la Sunna, est à rejeter en bloc ou encore contredit la méthodologie authentique. Mais s'il rapporte telle ou telle chose, c'est qu'il considère que ces choses peuvent s'avérer importantes pour comprendre le récit de base cité dans les textes du Coran et de la Sunna. L'erreur serait de rendre comme des vérités absolues ce qui n'est ni étayé par des preuves du Coran et de la Sunna, ou encore tirer des conclusions sur ces mêmes informations non prouvées. Il faut garder ceci à l'esprit. Au-delà de ces considérations d'ordre historique, revenons sur le récit en lui-même. Ibn Kathir, rahimahullah wa tabaraka wa ta'ala, dit: Allah subhanahu wa ta'ala a dit: donne-leur comme exemple à ton peuple, ô Muhammad, les habitants de la cité, quand lui vinrent les envoyés, quand nous leur envoyâmes deux envoyés et qu'ils les traitèrent de menteurs. Nous les renforçâmes alors par un troisième, et ils dirent: vraiment, nous sommes envoyés à vous. Ils leur répondirent qu'ils n'étaient que des hommes, comme eux, à l'exemple des communautés qui ont rejeté leurs prophètes, et n'imaginaient pas qu'Allah puisse envoyer un messager humain. Les messagers leur répondirent qu'Allah savait qu'ils étaient bel et bien des messagers envoyés vers eux, et que s'ils montaient sur lui, il les châtierait et se vengerait d'eux de la manière la plus dure. Puis ils dirent: et il ne nous incombe que de transmettre clairement le message. Nous n'avons pour mission que de transmettre le message avec lequel nous avons été envoyés vers vous. Et Allah est celui qui guide qui il veut et égare qui il veut. Ils dirent: nous voyons en vous un mauvais présage. J'ouvre une parenthèse ici qui ne fait pas partie de la parole d'Ibn Kathir. C'est-à-dire, les calamités et les épreuves qui s'abattent sur nous ne le sont qu'à cause de vous. Donc Ibn Kathir dit en commentaire de cette parole: nous voyons en vous qu'un mauvais présage en ce que vous nous apportez. Si vous ne cessez pas, nous vous lapiderons. Il a été dit qu'il voulait signifier par cette parole une lapidation verbale, c'est-à-dire une menace. D'autres ont dit qu'il s'agissait d'une lapidation réelle et physique. Le premier avis est cependant appuyé par ce qui suit, et un douloureux châtiment de notre part vous touchera. Ils menacèrent donc ces messagers de mort et d'humiliation. Et ils dirent, votre mauvais présage est avec vous-même, c'est-à-dire qu'il retombera sur vous. À savoir que ces calamités et ces épreuves ne sont le fruit que de vos désobéissances vis-à-vis de votre Seigneur, et cela selon le décret d'Allah tabaraka wa ta'ala. Est-ce que c'est ainsi que vous agissez, quand on vous rappelle le bien? Vous nous menacez de mort et d'humiliation pour le simple fait que nous vous rappelons la guidée et vous invitons à elle, mais vous êtes plutôt des gens outranciers. C'est-à-dire, vous n'acceptez pas la vérité et vous ne la désirez pas. Fin de citation. Telle était la prédication de ces messagers, identique à celle de tout prophète et messager avant eux. La prédication à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, au tawhid, à son obéissance, à la droiture, à la piété et à la bonté. Mais ces gens rejetèrent ce message, comme ils rejetèrent tout autant leur qualité de prophète. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah, tabarak wa ta'ala, a dit, lorsqu'un homme du fin fond de la ville vint en toute hâte. J'ouvre une parenthèse ici. On remarquera ici qu'Allah a cité la venue de cet homme après avoir mentionné sa provenance, à savoir du fin fond de la ville, afin de montrer sa détermination à secourir les messagers. Ceci nous montre aussi que la vérité peut se trouver aux abords d'une ville ou d'un pays et n'est pas forcément confinée au centre de ce pays ou de cette ville. L'imam Ibn Kathir dit « afin de porter secours aux messagers et montrer qu'ils croyaient en eux ». Il dit « Ô mon peuple, suivez les messagers, suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire et qui sont sur la bonne voie, car ils vous appellent à la pure vérité, sans salaire ni contrepartie ». Puis, il les appela à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, seul et sans associé, et leur interdit toute adoration vouée à autrui, ce qui n'est d'aucune utilité dans ce bas monde et dans l'au-delà. Puis il dit, je serais alors dans un égarement évident si je délaissais l'adoration d'Allah et adorais autre avec lui. Puis il dit, s'adressant au messager, mais je crois en votre Seigneur. Écoutez-moi donc. On rapporte que le sens voulu est, écoutez ce que je vous dis et témoignez pour moi de ceci auprès de votre Seigneur. Ou encore, le sens est, ô mon peuple, entendez clairement ma foi au messager d'Allah. À cet instant, ils le tuèrent, soit en le lapidant, soit en le découpant en plusieurs morceaux, comme il fut dit, qu'ils se jetèrent sur lui, tel un seul homme, et ils le tuèrent. J'ouvre ici une parenthèse, il n'y a aucun texte authentique qui nous prouverait qu'il y a eu ici un assassinat et un crime. La seule chose qui est sûre, d'après le Coran, est qu'il est mort. Ibn Kathir, de continuer de dire, Ibn Abbas, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu, a dit, il conseille à son peuple de son vivant en disant, ô mon peuple, suivez les messagers. Comme il les conseilla après sa mort. Et il dit, ah, si seulement mon peuple savait, en raison de quoi mon Seigneur m'a pardonné et mis du nombre des honorés. L'imam Qatada, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit, on ne trouve le croyant que comme bon conseiller, et jamais on ne le trouve trompeur. Et lorsqu'il vit les bienfaits d'Allah, il dit, ah, si seulement mon peuple savait, en raison de quoi mon Seigneur m'a pardonné et mis du nombre des honorés. Par Allah, il espéra que son peuple sache ce qu'il avait vu comme bienfait d'Allah et dans quelle situation de jouissance il se trouvait. Fin de citation. Il dit également, non par Allah, Allah n'a pas blâmé son peuple après son assassinat. Ce ne fut qu'un seul cri et les voilà éteints. Fin de citation. En effet, Allah tabaraka wa ta'ala les fit périr jusqu'au dernier à cause de leur transgression et de leur mécréance après que les messagers vinrent à eux afin de les exhorter. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ Sourate 36, versets 28 et 29. Et après lui, nous ne fîmes descendre du ciel aucune armée. Nous ne voulions rien faire descendre sur son peuple. Ce ne fut qu'un seul cri, et les voilà éteints. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit, c'est-à-dire, que nous n'avons pas eu besoin pour nous venger d'eux, lorsqu'ils démentirent nos messagers et tuèrent notre allié, de faire descendre une armée du ciel. Ce ne fut qu'un seul cri et les voilà éteints. Il a été dit aussi que par cette parole, Allah a voulu dire qu'ils étaient tellement vils qu'Allah ne leur a pas fait honneur de descendre sur eux une armée pour les châtier. Les exégètes ont dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a envoyé Jibril alayhi salat wa salam qui arracha les deux poteaux de la porte de la ville et poussa un seul cri auquel ils s'éteignirent. C'est-à-dire qu'on n'entendit plus aucun son, plus aucun mouvement, ni même le clignement d'un œil. Fin de citation. Tel fut le sort de cette ville, dont les habitants furent tous exterminés. Ce peuple, ces messagers et cette ville nous restent inconnus. Mais ce que l'on peut dire, c'est que cela s'est passé avant l'avènement de Moussa alayhi salat wa salam, comme nous l'avions déjà mentionné en se basant sur la parole de Abi Saïd ibn al-Khudri radiallahu anhu qui a dit « Allah n'a pas anéanti un peuple par un châtiment venu du ciel ou de la terre après avoir descendu la Torah sur terre, sauf la cité dont les habitants furent transformés en singes. » Ne voyez-vous pas qu'Allah a dit « Nous n'avons en effet donné le livre à Moussa qu'après avoir fait périr les anciennes nations. » L'imam al-Bazzar avait attribué ses propos au prophète sallallahu alayhi wa sallam selon une chaîne de transmission, mais, comme nous l'avions mentionné, le plus probable est qu'il s'agit des propos du compagnon Abi Sa'id ibn al-Khudri radiallahu anhu. C'est pour cette raison que l'imam ibn Kathir rahimahullah cite ces communautés anéanties avant d'évoquer le récit de Moussa alayhi salat wa sallam dans un souci de respecter l'ordre chronologique des événements. Ainsi se termine ce chapitre. Nous entamerons dans le prochain cours, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala, le récit du prophète Yunus, alayhi salatu wassalam. Wa subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.